Son 18e album, qui a pour titre One of the Many, Rick Miller est actif depuis 1983 et a présenté son tout premier album en 1984 sous le titre de Star Song. Par la suite, il a été inactif pendant 16 ans et pour un retour en 2000 avec Interstellar Passage. Par la suite, Rick Miller est plus constant dans ses parutions. On peut presque parler d'un album par année. Et donc, on va avoir un premier extrait de ce nouvel album, qui, je le rappelle, porte titre One of the Many, et ça va être la pièce Perchance to Dream. Et puis, Marc, par la suite, ça va être, je pense, notre groupe multinational préféré. Oui, tout à fait. On parle ici de la formation de Samurai of Prague. Et on aura pour vous un nouvel extrait de cet excellent nouvel album, dont les compositions sont de Marco Grieco. Et on retrouvera sur cette pièce qui a pour titre The Crime toute l'équipe de Samurai of Prague, Steve Unruh, Marco Bernard, Kimmo Porsti, et également aux guitares, Joani Nisula, ainsi que Oli Jakola à la flûte. Et ce sera suivi de la formation Kemono des États-Unis, tirée de leur plus récent album Mind Out of Mind, leur second, avec la pièce Answers in the Glass. Et comme vous disait Michel, on débute d'abord avec une pièce de l'artiste canadien Rick Miller. Thank you. it can seem that life's but a dream. To dream, to sleep, what truth do you keep? Regardless of where, when or how, what matters is you're with me is cold. A passion for the darkness is burning through my soul. Only fools will follow a dream that's out of reach. There's nothing left to barter, no promises to keep. A thousand years ago, you set my heart aglow.

Et puis Marc, par la suite, on a un invité de Norvège, un groupe qu'on espérait voir depuis un bon moment. Oui, en effet. Dimanche le 19 mai, on aura la formation norvégienne 35 Tapes qui présenteront leur premier concert au Canada. Alors ce soir, pour vous, on aura un extrait de leur second album qui a pour titre Home, paru en 2021. On sait que leur plus récent Fabric of Time est paru en 2023. Alors donc, on aura la pièce Walk et ce sera suivi de la formation québécoise In Silva qui ouvriront la journée du dimanche avec un spectacle juste avant le souper. Donc, In Silva, composé de Will Régnier, percussionniste, compositeur, et Thomas Polichuk, guitariste, chanteur et compositeur. On aura ici la pièce Honest. Ils ont actuellement 4 simples qui sont parus jusqu'à maintenant et travaillent sur leur premier album. Mais pour débuter, le bloc musical, comme vous le disait Michel, on y va avec la formation allemande RPVL. I want you to collect magazines from everybody. Is he fucking crazy? What the hell are we supposed to use, man? Harsh language. Flame units only. I'm on rifle slung. Sir, I just do it, Sergeant. And no grenades. All right, sweethearts. You heard the man. Pull him out. Come on, let's have him. Come on, Vasquez. Clear and long. So Thank you. Hello, I'm Jarle Wangen from 35 Tapes. You are listening to Terra Incognita directly from Quebec City. One of my favorite songs from our second album called Home is Walk. The song is about the free floating in your mind when you're walking. I think it's a lot of free floating keyboards too, and it's a wonderful tune to play live. This song is floating quite seamlessly, even though it's a lot of themes going on. Clarity, where will they lead? Yeah.

eyes gleaming. I could not even speak. Don't be shy. Don't be shy. This is not what you think. This is not what you think. I was in awe as I watched you take your seat. Talked and laughed. You want to see my sexy lace. We laughed again as she pulled me from my chair. Down the flames. to this role he went along. I felt empowered to take control. In a dim lit room, exquisite scene, naked bodies on the floor. Ironic heat and ecstasy, so many hands feeling my skin, wishing to explore. Their sex pressed onto mine, I closed my eyes, they fully knew what I burned for. I won't excuse myself, I will come down again and again. No need to explain, he wanted them and joined in. J'y suis 714 Park Avenue. J'attends que tu te montres, j'attends notre rencontre. J'arpente lentement les rues, rien d'autre qu'un air de déjà vu, me sentant observer des yeux du haut d'un escalier. Des voix qui murmurent, un air de torture, juste pour préciser que tout sens s'est estompé. Fading karma, fading karma, fading karma, wasted. J'entends ta voix me souffler doucement.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Quelle est votre maison de la littérature? Une maison pétillante? Une maison poétique? Une maison bibliophile? Découvrez votre profil et les différentes activités qui vous ressemblent sur maisondelalitterature.qc.ca. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura, entre autres, l'artiste américain Matthew Parmenter, bien connu pour sa participation avec son groupe Discipline. On aura ici un extrait de son plus récent album en solo, qui a pour titre All Our Yesterdays, paru en 2016. Son premier album Astray était paru en 2004 et son second Horror Express en 2008. Et donc, de son plus récent, on aura pour vous la pièce All for Nothing. Et pour débuter le bloc musical, Michel, notre formation multinationale préférée à l'émission. Oui, on parle bien sûr de The Samurai of Prague. On va avoir un extrait d'un coffret de 4 disques paru récemment sous le titre de Omnibus 3. En fait, c'est un coffret qui réunit les albums de Lady and the Lion, The White Snake, The Spaghetti Epic 4 et Anthem to the Phoenix Star. Et chaque disque a une pièce en bonnie. Et ce soir, on vous présente celle de The Lady and the Lion, c'est-à-dire From Midnight to Dawn. Thank you. the shapes of the vast migration formed out of choice and of chance, grafted on veins of the dead formations, just a collection of cells bound in a network of symbiosis, conscious as any we know. Witness the flood of the plague extinction, the circle widens, and it's all been for nothing. No wonder we cling to our beliefs in a higher power, time and the scale of it all. Silences reason and bids us to wonder, all that we see is no more. Of the past and the sum of causes, this our miraculous life, shared in the moment yet disconnected, the circle widens, and the night is on fire. Pacify and placate us, boredom is better this way. Quiet descent of the idle elder, the circle widens, and the night is on fire. Has it all been for nothing? La boucle ce soir, on a choisi un extrait de l'album Neo de la formation italienne La Torre dell'Alchimista, un groupe dont on attend avec impatience des nouvelles, étant donné que le dernier album est paru en 2007. Je sais qu'il y a eu des sessions d'enregistrement, mais bon, on est sans nouvelles. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. avrò come uccello che si libra in volo sull'orizzonte del tempo che ridisegna la forma gli ultimi strali di sole danno calore alle piume.